Section 5 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 5 Les poètes. Les poètes proprement dits, et par là j'entends les poètes épiques, les poètes élégiaques et les poètes lyriques, doivent être lus d'une façon un peu différente, comme du reste ces poètes en prose qui sont les grands orateurs et ces autres poètes en prose qui, par le nombre de leurs phrases, sont des musiciens. Ils doivent être lus d'abord tout bas, et ensuite tout haut. D'abord tout bas, pour que l'on comprenne leurs pensées, car la plupart d'entre nous, par l'effet de l'habitude, ne comprennent guère qu'à moitié ce qu'ils lisent tout haut. Ensuite, à haute voix, pour que l'oreille se rende compte du nombre et de l'harmonie, sans que, cette fois, l'esprit laisse échapper le sens, puisqu'il s'en sera préalablement rempli. La lecture à haute voix, ou plutôt à demi-voix, car il ne s'agit pas de déclamer, mais simplement d'appeler l'oreille à son secours pour se rendre compte, devra être dirigée de la façon suivante. Elle repose avant tout sur la ponctuation. Il faut tenir compte, ce que l'on fait si peu en lisant tout bas, des points, des virgules et des points et virgules. Et ce précepte est aussi essentiel qu'il est élémentaire, et aussi rarement suivi qu'il est essentiel. La ponctuation n'est pas moins importante pour le nombre que pour le sens, et c'est pourquoi une faute de ponctuation met les auteurs, et particulièrement les poètes, au désespoir. Rappelons l'exemple classique à cet égard. Musset avait écrit, dans Carmosine, « Depuis le jour où le voyant vainqueur, d'être amoureuse, amour, tu m'as forcée, fût-ce un instant, je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée, dont je me sens, à tel point oppressée, mourant ainsi que la mort me fait peur. » Le typographe avait imprimé, bien naturellement, « De lui montrer ma craintive pensée, virgule, dont je me sens à tel point oppressé, point, mourant ainsi, virgule, que la mort me fait peur, point d'exclamation. » Musset, il le dit dans sa correspondance, fut malade de chagrin. Il y avait de quoi. Au point de vue de la correction, on lui avait fait faire une faute. Dont je me sens à tel point oppressé, étant laissé sans complément et restant en l'air. Mais au point de vue du nombre, la faute qu'on lui faisait commettre était encore plus grave, car ces vers forment une strophe de 6 vers couplés, menés 2 à 2, avec, ce qui est très conforme aux lois générales du rythme, un repos assez fort après le premier distique, un repos un peu moins fort, mais un repos encore après le second distique. Depuis le jour où le voyant vainqueur, d'être amoureuse, amour, tu m'as forcé. Fût-ce un instant, je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée, dont je me sens à tel point oppressée, mourant ainsi que la mort me fait peur. Tandis qu'en ponctuant comme le typographe avait fait, même avec une syntaxe correcte, comme je vais faire, nous aurons un distique, puis 3 vers, d'une seule tenue de voix, puis un vers isolé. 2, 3, 1, et tout rythme est détruit. Depuis le jour où le voyant vainqueur, d'être amoureuse, amour, tu m'as forcé, fût-ce un instant, je n'ai pas eu le cœur de lui montrer ma craintive pensée, dont je me sens lourdement oppressée. Mourant ainsi que la mort me fait peur. Oui, tout rythme est détruit, et l'on se trouve en présence d'une de ces dissonances, ou plutôt d'une de ces arythmies que les poètes sans doute se permettent, et même cherchent parfois, mais pour produire un effet particulier, à quoi ici on ne voit pas qu'il y ait lieu. Il faut donc lire sur une édition bien ponctuée, il faut faire une attention scrupuleuse à la ponctuation. Ensuite, il faut faire attention au nombre et à l'harmonie, qui ne sont pas absolument la même chose. J'appelle « nombre » une phrase d'une certaine longueur qui est bien faite, dont les différentes parties sont en juste équilibre et satisfont l'oreille comme un corps aux membres proportionnés et bien attachés satisfait les yeux. Une phrase nombreuse, c'est une femme qui marche bien. J'appelle « harmonieuse » une phrase qui, de plus, par les sonorités ou les assourdissements des mots, par la longueur ou la vigueur des rythmes, par toutes sortes d'artifices, naturels, du reste, dans la disposition des mots et des membres de phrases, représente un sentiment, peint la pensée par les sons, et la mêle ainsi plus profondément à notre sensibilité. Ce qui suit n'est pas une phrase nombreuse. Du reste, elle est à souhait, et sans affectation ni raffinement, par où elle est un vrai modèle. Vous verrez dans une seule vie toutes les extrémités des choses humaines. La félicité sans bornes, aussi bien que les misères. Une longue et paisible jouissance d'une des plus nobles couronnes de l'univers. Tout ce que peuvent donner de plus glorieux la naissance et la grandeur accumulée sur une seule tête, qui ensuite est exposée à tous les outrages de la fortune. La bonne cause d'abord suivie de bons succès, et, depuis, des retours soudains, des changements inouïs, la rébellion longtemps retenue, à la fin tout à fait maîtresse, nul frein à la licence, les lois abolies, la majesté violée par des attentats jusqu'alors inconnus, l'usurpation et la tyrannie sous le nom de liberté, une reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans trois royaumes, et à qui sa propre patrie n'est plus qu'un triste lieu d'exil, 9 voyages sur mer entrepris par une princesse malgré les tempêtes, l'océan étonné de se voir traverser tant de fois en des appareils si divers et pour des causes si différentes, un trône indignement renversé et miraculeusement rétabli. Cette période est composée de membres de phrases d'une longueur inégale, mais non pas très inégale. De membres de phrases qui vont d'une longueur de 20 syllabes environ à une longueur de 30 syllabes environ, et c'est-à-dire qui sont réglées par le rythme de l'haleine, sans s'astreindre à en remplir toujours toute la tenue, et qui ainsi se soutiennent bien les uns les autres, et satisfont le besoin qu'a l'oreille de continuité à la fois et de variété, de rythme, et de rythme qui ne soit pas monotone. De même, je préviens tout de suite qu'ici les membres de phrases sont plus courts, celui qui règne dans les cieux et de qui relève tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois et de leur donner quand il lui plaît de grandes et terribles leçons. Soit qu'il élève les trônes, soit qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa puissance aux princes, soit qu'il la retire à lui-même et ne leur laisse que leur propre faiblesse, il leur apprend leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui. Car en leur donnant sa puissance, il leur commande d'en user, comme il fait lui-même pour le bien du monde. Il leur fait voir en la retirant que toute leur majesté est empruntée, et que pour être assis sur le trône, ils n'en sont pas moins sous sa main et sous son autorité suprême. Nous avons ici des membres de phrases presque toujours de 17, 18, 19 ou 20 syllabes, donc presque égaux, plus égaux que dans le précédent exemple. Et puisqu'en même temps ils sont plus courts, obéissant à un rythme plus marqué, la phrase est essentiellement nombreuse. Une phrase harmonieuse sera celle qui peindra quelque chose par les sons, paysage, musique de la nature, fait, sentiment, pensée. Dans le premier exemple que nous avons donné, il y avait déjà quelques traces, non plus seulement de nombre, mais d'harmonie. On peut le prendre au point de vue de l'harmonie de la façon suivante, en la scandant quelquefois, non plus seulement en ayant égard à la reprise de l'haleine, mais à l'accent rythmique que doit mettre l'orateur sur certains mots, et qui les isole, eux, avec les quelques mots qui les précèdent, du reste du membre de phrase. Et alors, nous avons ceci. D'abord, pour peindre un règne heureux, des membres de phrase assez longs, se faisant bien équilibre les uns aux autres jusqu'à et depuis. Ensuite, pour peindre l'anarchie, un rythme relativement brisé et heurté. Des retours soudains, des changements inouïs, la rébellion retenue et à la fin tout à fait maîtresse, nul frein à la licence, les lois abolies. Enfin, pour peindre la bonasse revenue, la période tombant et se reposant sur un rythme très net, très précis, presque de versification, un vers de 9, un vers de 10, et majestueux, un trône indignement renversé et miraculeusement rétabli. Mais ici, l'harmonie expressive ne fait que se mêler un peu et de temps en temps au nombre. Voici où elle règne en maîtresse et fait la période toute sienne. Comme un aigle qu'on voit toujours, soit qu'il vole au milieu des airs, soit qu'il se pose sur le haut de quelque rocher, porté de tous côtés ses regards perçants, et tombé si sûrement sur sa proie qu'on ne peut éviter ses ongles non plus que ses yeux. Aussi vifs étaient les regards, aussi vite et impétueuse était l'attaque, aussi forte et inévitable étaient les mains du prince du Condé. Au point de vue de la tenue de la laine, il faut scander, je crois, comme j'ai fait. Mais au point de vue de l'harmonie expressive, il faut accentuer les mots « air »,« rocher », »,« perçant », »,« proie », »,« yeux », »,« regard », »,« attaque » et « inévitable ». Et alors, nous voyons que les choses sont peintes par les mots, et c'est-à-dire, ici, par le rythme général, par les sonorités et par les silences. Comme rythme général, deux grandes demi-périodes, l'une largement ouverte et comme à pleines ailes, montrant l'aigle évoluant dans le ciel, puis fondant sur sa proie, l'autre plus courte, plus pressée et plus pressante, donnant cette sensation que, non seulement aussi vite et aussi foudroyant, mais plus vite et plus foudroyant encore, était le vol du prince de Condé. Comme sonorité, le mot « rocher », sec et dur, où l'on voit l'aigle comme cramponné. Le mot « perçant », rappelé par le mot « yeux », qui dessine si fortement, surtout pour les contemporains de Condé, le trait essentiel de la figure du prince. Le mot « attaque », brusque et éclatant. Le mot « inévitable », qui donne l'impression d'un grand filet où le général enveloppe l'ennemi. Comme « silence », enfin. La pause de la voix après la première demi-période et après le mot « inévitable ». Tout cela est une peinture musicale. Tout cela est l'harmonie expressive. Et je n'ai pas besoin d'ajouter qu'ici, comme il doit être, le nombre et l'harmonie concourent. L'harmonie ne contrarie pas le nombre. Et au contraire, s'associe avec lui intimement et la voix s'arrête, selon le nombre, sur le mot « inévitable ». Comme, selon l'harmonie, le mot « inévitable » doit être vigoureusement accentué. Voyez encore cette phrase de Chateaubriand. « Les matelots se passionnent pour leur navire. Ils pleurent de regret en le quittant, de tendresse en le retrouvant. Ils ne peuvent rester dans leur famille. Après avoir juré 100 fois qu'ils ne s'exposeront plus à la mer, il leur est impossible de s'en passer, comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle. Le magnifique effet rythmique de la fin est dû au contraste entre les lignes sans rythme du commencement et le rythme imprécis et flottant, mais singulièrement séducteur, de la fin, comme un jeune homme ne se peut arracher des bras d'une maîtresse orageuse et infidèle. Voyez ceci de Renan. Je suis né, déesse aux yeux bleus, de parents barbares, chez les Cimériens bons et vertueux qui habitent au bord d'une mer sombre. Hérissé de rochers, toujours battus par les orages. On y connaît à peine le soleil. Les fleurs sont les mousses marines, les algues et les coquillages colorés qu'on trouve au fond des baies solitaires. Les nuages y paraissent sans couleur, et la joie même y est un peu triste. Mais des fontaines d'eau froide y sortent des rochers, et les yeux des jeunes filles y sont comme ces vertes fontaines où, sur des fonds d'herbes ondulées, se mire le ciel. Je laisse de côté l'effet de peinture qui est étonnant, mais j'appelle l'attention sur l'effet rythmique. Il est dans l'opposition, légère du reste, et qu'il serait inepte de marquer comme un contraste. Mais dans l'opposition, cependant, des sons étouffés, sourds, des tons tristes, mousses marines, au fond des baies solitaires, nuages sans couleur, et des sons plus clairs, plus chantants, sans avoir rien d'éclatant, de triomphant ni de sonore, yeux de jeunes filles, verte fontaine, se mire le ciel. Il est aussi dans les membres de phrases courtes, en même temps qu'ils sont sourds, des membres de phrases déprimées du commencement auxquels s'oppose le membre de phrase finale, non pas allègre, mais libre, mais libéré, s'espaçant discrètement, mais s'espaçant et prenant du chant, et qui semble comme l'expression du soulagement et de la reprise de la vie, dans un sourire. Les yeux des jeunes filles sont, verts et bleus à la fois, comme ces vertes fontaines où sur un fond d'herbes ondulées se mire le ciel. Ainsi, en lisant à haute voix, vous vous pénétrez des rythmes qui complètent le sens chez les écrivains qui savent écrire musicalement. Du rythme qui est le sens lui-même en sa profondeur. Du rythme qui, en quelque façon, a précédé la pensée. Car il y a 3 phases. La pensée, en son ensemble, en sa généralité, je suis né en Bretagne, le rythme qui chante dans l'esprit de l'auteur, qui est son émotion elle-même et dans lequel il sent qu'il faut que sa pensée soit coulée. Le détail de la pensée qui se coule en effet dans le rythme s'y adapte, le respecte, ne le froisse pas et le remplit. Du rythme enfin qui, parce qu'il est le mouvement même de l'âme de l'auteur, est ce qui, plus que tout le reste, vous met comme directement et sans intermédiaire en communication avec son âme. Ouvrez la fontaine n'importe où, aussi bien c'est ce que je viens de faire, et lisez à demi-voix. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, son lourd, sourd, dur, rude, compact, sans air, car il n'y a pas de muet, sensation d'accablement, si fort chevaux tiraient un coche, vers aussi lourd, aussi rude, plus rude même, mais plus court, qui par conséquent serait plus léger s'il n'était pesant par la rudesse des sons et qui, à cause de cela, semble tronqué, semble n'avoir pas pu aller jusqu'à fin de lui-même. Femme, moine, vieillard, tout était descendu, celui-ci plus léger, du moins moins accablé. C'est que ceux-ci marchent, ou se promènent, ou s'ébrouent, et par comparaison avec le coche, sont presque allègres. Mais l'attelage suait, soufflait, était rendu. Retour des sonorités sourdes, du verre compact et serré. Une mouche survient et des chevaux s'approchent. Verre léger, rapide, presque dansant. C'est une étourdie qui entre en scène. Prétend les animer par son bourdonnement. Vif, courant, d'une seule venue, mais sourd. C'est le travail inutile, mais c'est le travail ardent, concentré, très sérieux pour elle, de la mouche qui est commencée. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. Léger cette fois, et presque allègre, c'est la joie impertinente de la mouche, du commissaire du comité dans un cortège, qui est exprimée. S'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Le commissaire se repose un moment en s'appuyant à un bec de gaz. Il souffle, il s'essuie le visage, il va recommencer. Le verre est à la fois stable et inquiet. Il exprime un mouvement qui reprend au moment presque où il s'arrête. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, reprise du mouvement général, changement de rythme. Elle s'en attribue uniquement la gloire. Vers ample, étoffé, qui se termine sur une sonorité éclatante, sur une fanfare. Va, vient, fait l'empresser, il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer les gens et hâter la victoire. Vers vaste, développés et enveloppants, circulaires, par où l'on voit la mouche parcourant toute la périphérie du champ d'activité, toute à tous, se multipliant et réalisant une ubiquité inutile et orgueilleuse. Ainsi de suite. Faites ces observations, ou des observations analogues ou contraires, mais faites-en pour tirer tout le parti possible des écrivains qui savent écrire en musique. Faites-en même sur ceux qui ne le savent point. Pourquoi ? Pour constater qu'ils ne le savent point et par là mieux apprécier ceux qui le savent. Vous observerez peut-être que Delille, qui est extrêmement estimable comme versificateur, ne peut pas se lire à haute voix. D'où vient ? De ce qu'il peint, et souvent très bien, mais ne chante pas. Il n'est pas musical, il ne peint jamais par les sons. Corneille, admirablement oratoire, est musical très rarement. Ses vers lyriques eux-mêmes ont le mouvement et merveilleux, source délicieuse, en misère féconde, mais n'ont pas l'harmonie expressive. Il lui arrive cependant, comme à tout grand poète, d'atteindre à cette partie de l'art, et il dira « Et la terre et le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage, où triomphe la mort. » Il dira aussi, lui, sans aucun effroi, comme maître paisible, « Jetait dans les sillons cette semence horrible, d'où s'élève aussitôt un escadron armé, par qui de tous côtés il se trouve enfermé. Tous n'en veulent qu'à lui, mais son âme plus fière, ne daigne contre tous s'armer que de poussière. À peine il la répand qu'une commune erreur de tous, l'un contre l'autre, anime la fureur. ils s'entrimolent tous au commun adversaire. Tous pensent le percer quand ils percent leurs frères. Leur sang partout regorge, et Jason, au milieu, reçoit ce sacrifice en posture d'un dieu. Et de même dans Racine, mélodieux plutôt qu'harmonieux, flattant l'oreille par le nombre savamment observé et ingénieusement inventé, plutôt que peignant par les sons, cependant on trouve, sans bien chercher, des vers sonores, dont les sonorités ont un sens, donnant une impression de grandeur, de triomphe ou d'immense désolation. Lorsque de notre Crète il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos, et la Crète fumant du sang du Minotaure, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. Et si vous me dites qu'à faire ainsi, l'on finit par dénaturer le poète, l'on finit par ne plus chercher en lui que le musicien, et par ne plus le trouver poète quand il ne fait plus de la musique. Je vous répondrai que, quand on commence à sentir cela, on doit faire taire l'orchestre, comme on éteint une lampe, qu'on doit cesser de lire tout haut et recommencer à lire tout bas, et que, de même que pour saisir l'idée et s'en pénétrer, on doit d'abord lire tout bas. De même, après avoir assez longtemps lu tout haut, on doit revenir à la lecture intime, pour retrouver devant soi l'homme qui pense. Le poète, comme aussi le grand prosateur, ne livre pas du même coup tous ces genres de beauté, et ne peut pas donner à la fois tous les plaisirs qu'il est capable de donner. Il en faut user avec lui comme avec un peintre, dont tantôt on étudie la composition, tantôt le dessin, tantôt la couleur, tantôt les figures et physionomies humaines, tantôt les eaux et tantôt le ciel. L'impression d'ensemble se fera plus tard de tous ces éléments d'impression fondus ensemble. Un grand plaisir, difficile pour la plupart, et pour moi du moins, avec les prosateurs, très facile avec les poètes, est non plus de lire, mais de réciter de mémoire les morceaux qui se sont fixés dans notre esprit et que nous chérissons de dilection particulière. Il est rare que je me promène sans me réciter à moi-même quelqu'une des pièces suivantes. Marquise, si mon visage, les deux pigeons, ô mon souverain roi, me voici donc tremblante. Si vous voulez que j'aime encore, la jeune captive, le lac, la tristesse d'Olympio, le souvenir, plus souvent la vigne et la maison, la voie lactée de Sully Prudhomme, l'agonie du même. Dans cette récitation solitaire, il arrive de petites choses, assez notables. On scande autrement. Je ne sais pas trop pourquoi, à vrai dire, mais peut-être parce que le papier et l'impression d'un volume du XVIIe siècle suggèrent de couper l'alexandrin à l'hémistiche. Je ne lis jamais la prière d'Esther sans scander ainsi « Ô mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi ». Et quand je me récite à moi-même ces vers, je ne manque jamais de scander « Me voici donc, tremblante et seule, devant toi ». La seule manière de scander du reste qui est le sens commun. Quand je lis, malgré la virgule qui devrait me crever les yeux, je scande ou au moins j'ai tendance à scander. Toujours punir, toujours trembler dans vos projets. Et quand je me récite à moi-même, je ne manque pas de scander. Toujours punir, toujours trembler dans vos projets. Et je ne vais pas sans doute en lisant jusqu'à scander comme j'ai entendu un acteur de la Comédie-Française le faire. Passer des jours entiers et des nuits à cheval. Mais j'ai bien quelque tendance à en user ainsi, et quand je me récite à moi-même, je scande « Passer des jours entiers et des nuits à cheval ». Quand on se récite des vers, on les possède plus intimement, en quelque sorte. On les couve en soi. Il vous semble qu'on les fasse, et on les fait selon le rythme vrai qu'ils doivent avoir, que la pensée qu'ils expriment doit leur donner. Cette manière d'incubation a donc non seulement ses plaisirs, mais ses avantages. Il arrive aussi, et cela est moins heureux, que l'on altère le texte. Je me suis longtemps cité à moi-même le vers de Voltaire ainsi. Il est deux morts, je le vois bien. Le texte est « On meurt deux fois, je le vois bien », qui, au moins, comme euphonie, est très préférable. Je me suis longtemps cité le vers de Ruy Blas ainsi. Je donne des conseils aux ouvriers du nonce. Le texte est « Je donne des avis », qui est le mot propre. De même, dans le « Jean Sévère » de Victor Hugo, un discours de cette espèce, sortant de mon hiatus, prouve que la langue épaisse ne rend pas l'esprit obtus. Le texte est « ne fait pas l'esprit obtus », qui est le mot nécessaire. Je dois confesser, à ma honte, que, toutes les fois que j'ai constaté une altération de texte faite par moi, j'ai dû reconnaître que le texte de l'auteur était beaucoup meilleur que le mien. Mais ceci même est une comparaison très instructive et très utile pour l'étudiant en littérature. Pour un seul texte, je ne le dis qu'en rougissant et en permettant, du reste, qu'on se moque de moi, je ne puis pas me décider à croire que je n'ai pas raison contre l'auteur. Je me suis toujours récité à moi-même la fin du Semeur de la façon suivante. L'ombre où se mêle une lueur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du Semeur. C'est le « sublustri noctis in umbra » que j'avais dans l'esprit, qui me faisait altérer ainsi le vers de Victor Hugo. Le texte est « l'ombre où se mêle une rumeur ». Je ne puis pas le préférer. Il n'y a pas de rumeur à ce moment crépusculaire, et il est indifférent pour l'effet à produire qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas. Et c'est à ce « reste de jour » mêlé à l'ombre que l'auteur et le lecteur doivent penser. Pour bien voir le geste du Semeur élargi jusqu'au ciel. Je penche à croire que Victor Hugo a mis « rumeur » par horreur de la rime pauvre. Quoi qu'il en soit, ses corrections de soi-même, et même ses corrections de l'auteur, quelque irrespectueuses et quelque aventureuses qu'elles soient, aiguisent le goût, tout au moins vous renseignent, ce qui n'est pas sans profit, sur celui que vous avez. Il est un autre exercice, tout voisin de celui-ci, qui consiste à aviser dans un poète médiocre, intéressant pourtant, une pièce qui ne vous déplaît pas, mais qui ne satisfait pas entièrement votre goût, que l'on approuverait, tournée d'autre façon, comme dit Boileau, et de la refaire en promenade ou dans une insomnie, par exemple en la resserrant, ne jamais faire l'inverse, en mettant en stances de vers aux octosyllabes des stances de vers alexandrins. C'est amusant, et l'on compare après, et c'est amusant encore. Mais nous sortons un peu de l'art de lire proprement dit. Fin de la section 5.